Je me souviens encore de ses cheveux blonds, de son regard bleu de petit garçon, qui passait des pleurs au rire éclatant. Mon petit trésor, ma fureur de vivre, le doux réconfort des matins de givre. Mais toi le taré, toi la bête immonde, tu l'as enlevé un soir de lune ronde. Tu l'as violenté sans autre jugement, même un animal aurais-tu pitié de ses cris d'angoisse quand tu l'as tué. Mais je sais bien qu'un mort pour un mort ne pourra pas me consoler. Ma vie ne sera que remords tant qu'il ne sera pas vengé. Même si les censeurs pardonnent à des hyènes au nom d'une pseudo-charité chrétienne, je n'excuserai jamais ton geste dément. Je t'arracherai l'âme sans même hésiter, en pâture aux chiens je la jetterai. Mais je sais bien qu'un mort pour un mort ne pourra pas me consoler. Ma vie ne sera que remords tant qu'il ne sera pas vengé. Pour garder la face devant ses deux sœurs, pour calmer un peu sa maman pleure, tu mourras demain, ça j'en fais serment. Je vis de rancune, me nourris de haine, plus aucune pitié ne calme ma peine. Mais je sais bien qu'un mort pour un mort ne pourra pas le ramener. Ma vie ne sera que remords tant que je ne t'aurai pas tué. Mais je sais bien qu'un mort pour un mort ne pourra pas le ramener. Ma vie sera que remords tant que je ne t'aurai pas tué.